détourne, tourne du pivot de la constance paysanne. La Vierge exalta, Sainte-Anne dise chacune l'amour. D'autres paroles s'ajoutent, plus anciennes encore.